Sans résurrection, le christianisme n'est pas différent des autres religions. Il y a un Dieu et une vie après la mort, mais sans aucune certitude. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Croyez-vous en la résurrection de Jésus-Christ? Vous n'aurez jamais à répondre à une question plus importante, car cette réponse aura un impact déterminant sur votre vie présente et future. Nous verrons aujourd'hui quelles sont les caractéristiques de la résurrection, le défi posé par la résurrection et en quoi consiste la certitude de la résurrection. Une étude sur le thème de la résurrection est nécessaire car nous abordons aujourd'hui une doctrine biblique essentielle et sur laquelle repose notre espérance future. Cette émission passionnante vous propose une compréhension plus claire de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre et du plan de Dieu pour l'humanité d'un point de vue correctement centré sur la vérité de la parole de Dieu. Voici Charles Stanley. Ouvrons notre Bible dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Nous lirons les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. L'apôtre Paul entreprend dans ce passage de nous parler de la résurrection. Nous remarquerons d'abord les trois premiers versets qui constituent une brève introduction. Verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il nous prépare à entendre ce qu'il veut nous dire, en nous rappelant certaines choses. Il veut attirer notre attention sur une déclaration très solennelle. Il poursuit ensuite au verset 2 et 3. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Remarquons dès le début que Paul utilise l'expression « je vous rappelle », ce qui signifie bien sûr que ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé. Or, nous sentons aussi tout de suite, par le ton solennel employé, que Paul se prépare à dire quelque chose de très important et qu'il veut attirer l'attention de ses interlocuteurs. Il commence ce passage avec dynamisme, en citant l'Évangile, car la résurrection est le fondement de l'Évangile dans sa totalité. Car s'il n'y avait pas de résurrection, nous ne pourrions qu'espérer rien de plus. Nous ne pourrions qu'espérer, comme toutes les autres religions du monde, qui ont un Dieu, un Sauveur sous une forme ou une autre, et qui croient en une existence au-delà de la mort, quelle qu'en soit la nature. Les adhérents de ces religions diverses ne peuvent qu'espérer, car ils n'ont aucune certitude. Ils ne peuvent s'appuyer sur quelque chose d'éternel ou d'indéniable, comme nous, les chrétiens, le pouvons. Paul veut donc en premier lieu attirer notre attention sur la bonne nouvelle, sur l'Évangile. Il déclare que l'Évangile que nous avons reçu est aussi l'Évangile sur lequel nous nous appuyons. En d'autres mots, le fondement de notre foi est l'Évangile qui nous a été transmis. Paul enseigne que notre certitude est fondée sur l'Évangile. Cet Évangile, Paul l'a transmis aux Corinthiens avec autorité et puissance. Ces derniers s'y sont agrippés et ont persévéré. Notre espoir, se fonde exclusivement sur l'Évangile de Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer comment serait notre vie dans la société où nous vivons si nous n'avions absolument aucune certitude? Vous pouvez, par exemple, demander à quelqu'un dans la rue s'il possède une certitude dans la vie, et la seule réponse qu'il pourra vous donner est « Je suis certain de mourir un jour ». Et après cela, que se passera-t-il? La plupart des gens n'en ont aucune idée précise. Or, le croyant dispose d'une certitude éternelle et rassurante qui affirme et confirme un aspect particulier de l'Évangile. Il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Cet aspect appose un sceau de validité à ses paroles et il nous donne espoir. Regardons maintenant la première partie du deuxième verset. L'Évangile par lequel vous êtes sauvés. Pour bien saisir le sens de ces paroles, considérons d'abord le temps du verbe. Il est au présent. C'est très important, car la Bible nous parle du salut en employant les trois temps, passé, présent et futur. L'esprit du croyant a été sauvé une fois pour toutes, à un moment précis. Il s'agit donc d'une action passée et accomplie. Le corps du croyant sera sauvé à sa résurrection, et même son corps, en état de décomposition avancé dans la tombe, sera sauvé, transformé et ressuscité à la ressemblance du Christ. Il s'agit là d'une action future. Or, entre les deux se trouve l'âme du croyant qui est en processus continuel de salut. Il s'agit enfin d'une action présente. Revenons à l'esprit de l'homme. Cette partie éternelle de l'homme est sauvée par Dieu une fois pour toutes, à l'instant même où le croyant reçoit par la foi le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que sa mort sacrificielle, substitutive, personnelle, adéquate et expiatrice sur la croix. J'emploie tous ces adjectifs pour décrire le processus d'expiation. En d'autres mots, en mourant sur la croix à notre place, Jésus a payé la dette de notre péché. Toutefois, je n'emploie pas ces mots pour le plaisir, ni pour jouer les savants, mais pour la bonne cause. Car, en ignorant l'expiation substitutive et sacrificielle de Jésus-Christ, nous ne comprendrons jamais la raison de sa venue sur la terre. Or, au moment où nous acceptons Jésus-Christ et sa mort à la croix et que nous le recevons personnellement comme notre Sauveur, nous sommes sauvés une fois pour toutes, et ce, pour l'éternité. Quant à notre corps, il devra d'abord mourir physiquement, mais il sera sauvé lui aussi et il ressuscitera. Vous commencez sans doute maintenant à comprendre pourquoi il est important de remarquer le temps présent du verbe dans ce verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Le salut de l'esprit est une action du passé entièrement accomplie. À l'inverse, le salut du corps et sa résurrection se situent dans le futur. Nous pouvons alors raisonnablement déduire par élimination que, par l'emploi du salut au temps présent, l'apôtre Paul parle ici du salut de l'âme. Et lorsqu'il parle dans ce verset de retenir son salut, il ne parle pas de retenir le salut de l'esprit, ni de notre sécurité éternelle, puisqu'il s'agit d'un acte passé et accompli. Non, il parle du salut de l'âme maintenant, dans le présent. Il nous parle d'un processus continu et mis à jour quotidiennement par lequel Dieu sauve l'âme du croyant. Vous constaterez donc qu'il faut avancer prudemment dans l'étude des versets, car il serait facile de se laisser tromper. On pourrait, par exemple, penser que l'âme est sauvée une fois pour toutes, et ce serait une erreur. C'est l'esprit du croyant qui a été sauvé dans le passé. Quant à son âme, c'est-à-dire sa pensée, ses émotions et sa personnalité, bref, en un mot, ce qu'il est, elle est remaniée constamment. Car elle est appelée à la perfection comme Jésus-Christ l'était. Et quand l'apôtre Paul nous affirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 2 et 3, que veut-il dire? Relisons ce texte. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Qu'est-ce que Paul avait reçu? L'apôtre Paul prenait beaucoup de soin à faire comprendre à ses auditeurs et à ses lecteurs d'où et de qui il avait reçu le message qu'il leur transmettait. Il expose sa source avec limpidité dans son épître aux Galates, chapitre 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Le message transmis par l'apôtre Paul est donc une révélation. Une révélation est une vérité transmise par Dieu à l'être humain par l'entremise du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre que cette vérité ne pourrait être accessible à l'homme en aucune façon. C'est seulement le Saint-Esprit qui illumine notre pensée. Ainsi, nous pouvons comprendre la vérité. Le Saint-Esprit a par exemple inspiré les auteurs des différents livres du Nouveau Testament à écrire leur œuvre. Gardons cela à l'esprit en relisant Galates chapitre 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Dieu a donc dévoilé à l'apôtre Paul ce qu'aucun homme n'avait vu avant lui, car Dieu l'avait tenu caché. En fait, le mot « mystère » désigne dans la Bible une vérité cachée par Dieu pendant un certain temps et maintenant révélée par son Saint-Esprit. Nous n'avons donc pas affaire à un cas isolé. Un de ces mystères dévoilés dans le Nouveau Testament est le plan rédempteur de Dieu accordé non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, c'est-à-dire aux non-Juifs. Tout le monde peut donc en bénéficier. Nous le constatons dans Actes chapitre 10. Cette vérité était difficile à concevoir par l'apôtre Pierre. Quant à l'apôtre Paul, avant sa conversion, la seule mention de cette éventualité le remplissait d'une furie meurtrière, comme il nous le raconte lui-même dans Galates chapitre 1 au verset 13. Nous irons jusqu'au verset 19. Lisons. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Et comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang, et je ne monta point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » L'apôtre Paul parle ensuite de son ministère auprès des païens. Lui, l'ancien intégriste, extrémiste juif. Mais il nous faut quand même noter un autre détail important qui échappe souvent à plusieurs. Quand nous parcourons la biographie de l'apôtre Paul, nous prenons conscience qu'il s'est écoulé environ 10 ans entre la conversion de Paul et le début de son ministère de prédication de l'Évangile. Il est d'abord retourné à Tarse. Ensuite, il est parti pour l'Arabie, et ainsi de suite. Pendant tout ce temps, Dieu formait Saul de Tarse, l'ancien ennemi juré de l'Évangile, lui dont la pensée, le cœur, l'âme et le corps étaient auparavant voués à la destruction de la jeune Église de Jésus-Christ. Et soudain, sans aucun avertissement, alors qu'il est en route pour Damas afin d'agrandir son terrain de persécution, il est frappé par Dieu, qui se dévoile à lui et il en tombe de son cheval. Jésus-Christ fait connaître sa présence à son persécuteur. C'est pourquoi Paul reconnaît humblement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8. « Après eux tous, en parlant des autres apôtres, il, Jésus, m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Paul a vu Jésus-Christ sur la route de Damas. Dieu l'a frappé et il est resté aveugle pendant plusieurs jours. Dieu lui a ôté la vue pour qu'il ne puisse voir rien d'autre que Jésus. Et dans Galates, chapitre 1, verset 11, il l'affirme. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Après avoir été ainsi saisi par Dieu sur la route de Damas, Paul est demeuré en état de choc pendant plusieurs jours. Il est demeuré aveugle jusqu'à ce que Dieu envoie son enfant Ananias pour le guérir et le baptiser. Jusqu'alors, Paul avait vécu dans un engagement absolu et total envers sa théologie. Cette théologie était celle de Yahweh, et il avait cru et vécu au meilleur de sa connaissance en respectant les règles et les dispositions du judaïsme. Et tout à coup, il s'est mis à aimer Jésus-Christ, celui qu'il détestait jusque-là de tout son cœur. On peut imaginer le choc émotionnel, spirituel, gigantesque et presque insoutenable de cet homme qui s'était engagé à détruire l'Église de Jésus-Christ. Paul affirme que l'Évangile lui a été directement transmis par Jésus-Christ. À vrai dire, tout autre que le Messie aurait risqué sa peau dans cette entreprise. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Avez-vous remarqué? Il n'a pas dit « Christ est mort pour nous ». Quelle importance, pensez-vous? Des hommes se sont sacrifiés pour d'autres hommes. Ce n'est pas nouveau. Toutefois, ici, nous avons « Christ est mort pour nos péchés ». En d'autres mots, sa mort substitutive, sacrificielle, personnelle et adéquate sur la croix a expié nos péchés et a payé le châtiment de tous les péchés de l'humanité. L'Évangile commence avec la crucifixion de Jésus-Christ, non pour l'humanité, mais pour les péchés de l'humanité. L'homme avait besoin de rédemption. Il n'avait pas besoin qu'on meure pour lui, mais que ses péchés soient pardonnés. Il avait besoin d'être racheté de ses péchés. Et Christ est mort pour nos péchés. On peut clairement voir comment dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Paul prend bien soin de souligner que Jésus a été enseveli pour exprimer la finalité de l'œuvre. Peu de choses sont aussi finales que la mort. Relisons ce verset, verset 4. « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Dans ces versets, l'apôtre Paul commence par faire référence à la promesse de la résurrection. « Je ne commencerai pas à le démontrer, cela serait trop long. » Mais c'est un fait. Les Écritures de l'Ancien Testament, la loi, les poètes et les prophètes annoncent la résurrection de Jésus-Christ. Lisons maintenant 1 Corinthiens 15, verset 6. « Ensuite, il, Jésus, est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Pensez-y. Une personne pourrait être victime d'une hallucination, mais pas 500, et surtout pas en même temps. On ne fabrique pas une légende en s'appuyant sur des faits récents qui peuvent être corroborés ou niés par des centaines de témoins. Paul a écrit cette épître environ 25 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Or, la plupart des gens qui avaient vu le Christ ressuscité étaient encore vivants à cette époque. Comment alors peut-on sérieusement affirmer, comme plusieurs le font aujourd'hui, que la résurrection de Jésus-Christ n'était qu'une invention des disciples? Non, la résurrection de Jésus-Christ est indéniablement une vérité vivante. Jésus est d'abord apparu à Pierre, ensuite aux autres apôtres, et ensuite à 500 personnes. Et Paul déclare aux Corinthiens auxquels il s'adresse, « Si vous voulez rencontrer des gens qui ont vu Christ après sa résurrection, il en reste encore beaucoup de vivants. » Il poursuit dans 1 Corinthiens 15, versets 7 à 10. « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Même si Dieu lui avait pardonné ses erreurs passées, l'apôtre Paul ne pouvait pas oublier, on peut l'imaginer. Par les épreuves qu'il a endurées, Paul devait se rappeler son passé. On pense par exemple à l'épisode à Lystre, où il a été lapidé et laissé pour mort, aux prisons de Philippe dans lesquelles il a moisi, ou même à ses moments laissés à lui-même après avoir été fouetté. Les douleurs physiques subies à cause de sa foi n'étaient pas sans lui rappeler le sort qu'il avait lui-même réservé aux chrétiens avant sa conversion. La mémoire peut être plus douloureuse encore que les blessures physiques. Je ne crois pas que Paul se soit jamais plaint de l'adversité permise par le Seigneur, car il avait déjà été lui-même du côté des bourreaux. C'est pourquoi il admet aisément dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 et 10. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » L'homme ne peut connaître Dieu ni le comprendre par ses propres moyens. Nous n'avons qu'à écouter l'apôtre Paul dire qu'il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Saul de Tarse pensait servir Dieu quand il persécutait les chrétiens jusqu'au jour où, sur le chemin de Damas, Dieu lui a montré qu'il faisait fausse route. Il lui a montré l'énormité de son erreur. Si quelqu'un pouvait bien croire en la souveraineté de Dieu, et si quelqu'un pouvait bien croire qu'il n'avait aucun mérite en lui-même, c'était bien Paul. Et si vous êtes le genre de personne qui pense « Un de ces jours, je vais me mettre en règle avec Dieu », laissez-moi vous dire que ce n'est pas à vous de décider. Dieu n'attend pas que les hommes se mettent en règle avec lui pour les sauver. Vous savez ce qu'il fait? Il fait tout à coup irruption au beau milieu de votre vie en vous convainquant de péché, en vous révélant la personne de Jésus-Christ, et il vous sauve sans crier gare. Au moment de sa conversion, Saul de Tarse n'était pas prêt à se mettre en règle avec Dieu. Il croyait l'être depuis longtemps. Or, Dieu est simplement intervenu dans sa vie. Il s'est révélé dans la vie de Saul de Tarse sans prévenir, et ce dernier est devenu l'apôtre Paul. Ça a été une transformation radicale. C'est ainsi qu'il a découvert la grâce de Dieu, et c'est pourquoi il dit dans Galates, chapitre 1, verset 15, « Mais lorsqu'il plaît celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Oui, malgré l'endurcissement de son cœur avant sa conversion, Paul savait que Dieu l'avait mis à part avant même sa naissance. Rappelez-vous de cela lorsque vous entendrez quelqu'un vous dire qu'il a perdu tout espoir. Paul persécutait activement et avec acharnement l'Église de Dieu lorsqu'il a découvert l'espoir. Dieu, dans sa grâce souveraine, l'a atteint au plus profond de son être. Dans ces conditions, pensez-vous que Paul pouvait s'arroger le mérite de sa conversion? Non, car il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Dieu déverse sa grâce dans la vie de chacun de ses enfants. Chaque jour, il nous pardonne, même si nous insistons pour faire les choses à notre manière. Car à chaque fois que nous vivons, pour et par nous-mêmes, au lieu de nous mettre au service de Dieu, nous sommes indignes de sa grâce, seul espoir de l'humanité. Nous avons tous été sauvés de la même façon. Nous ne savions rien. Nous étions tous absolument ignorants jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, il s'est servi de quelqu'un pour nous montrer un peu de vérité. Et par cette même grâce, Dieu nous a conduits à ce stade de notre vie, où nous avons reçu la vie éternelle. Ce moment très précis où nous nous sommes confessés à lui et où nous nous sommes repentis de notre péché. Il s'est peut-être servi d'un prédicateur, d'un évangéliste, d'un parent, d'un ami ou même d'un collègue de travail, mais c'est lui qui, dans son œuvre souveraine, nous a fait connaître son évangile et nous a conduits à la vie éternelle. Dieu nous a donné la foi et il nous a sauvés par sa grâce. Et par cette même grâce, il nous a donné une certitude. La Bible affirme que le salut nous vient entièrement de Dieu. Qui nous a convaincus? Le Saint-Esprit. Qui nous a permis de comprendre la vérité? Le Saint-Esprit. Qui nous a accordé le don de croire? Le Saint-Esprit. Qui nous a conduits vers ce moment d'éternité où nous avons dit « Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur » Pensez-vous que vous avez vous-même pris cette décision? Il n'en est rien. La grâce de Dieu et cette immense, incomparable, indescriptible, éternelle miséricorde de Dieu qui nous accorde sa bonté non méritée dans son pardon et son amour. Car Dieu nous aime plus que nous puissions l'imaginer. S'il existe une chose dont le chrétien pourrait se passer, c'est son orgueil. Car si ce n'était de la grâce de Dieu, nous serions encore dans les ténèbres. Car vous pouvez être un millionnaire et être encore dans les ténèbres. Nous sommes donc sauvés exclusivement par la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Ne pensez jamais que vous avez été sauvés parce que vous avez fait confiance à Jésus. Non, tout le mérite revient à Dieu, qui a pris la décision de tendre sa main souveraine vers nous et de nous sauver par pure grâce. Nous étions perdus, mais nous sommes maintenant sauvés. Nous étions aveugles, mais maintenant nous pouvons voir. Nous avons survolé aujourd'hui une partie de l'enseignement de l'apôtre Paul au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection est le seul événement dans toute l'histoire de l'humanité qui a le pouvoir d'affecter notre vie, même encore aujourd'hui. Dans son introduction au message de la résurrection, Paul nous dit « Voulez-vous savoir pourquoi je crois dans la résurrection de Jésus-Christ? À cause de mon expérience personnelle, car j'ai vu Dieu et j'ai observé l'œuvre de sa grâce dans mon cœur. C'est ainsi que Dieu tient ses promesses au sujet du Messie, celles annoncées dans l'Ancien Testament. Et nous, ses enfants, sommes la preuve vivante que notre Dieu est fidèle. » Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-6647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.